mwokozi wetu Yesu Kristo. Je salue l'église au nom du Seigneur Jésus Christ. Na la mukia na bali mekune fat par internet. Je salue également les frères qui nous suivent en ligne. Na pasteur associé wa makutano ya Kasa pa Lumbashi na frère Gracia mtumishi wa Mungu akudikasia tena ni milamkie mjela bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Les pasteurs associés de l'ICASI ainsi que les frères Gracia m'ont dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus Christ. Bila ukawia mimi nimealika mshimame tuheshimie sauti ya Mungu. Sans tarder, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa kwanza, chapitre 4, sura yake ya 4, verset 3, mustari ya 3. Passe à ton verset 1. On peut commencer par les premiers versets. Au reste, frère, waile na baki wandugu, puisque vous avez appris de nous, ça vile mulijifunza kwetu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Namuna kani munapashi kujiongoza na kumpendeza Mungu. Et cela c'est que vous faites. Na njo ile mko nafanya. Nous vous prions. Tuko na misi. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus na tumna miadizia mujina bwana Yesu Kristo, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mpate kutembea muina muna maendeleo yule ya maendeleo ingine. Vous savez. Munajua. En effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Kwa kuwa ni maagizo kanile tulimpatia kwa upande wa bwana Yesu. Mungu abariki sauti yake. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Je continue avec la lecture. Ce que Dieu veut, qu'il est Mungu anapenda, c'est votre sanctification. Ni utakaso yenu. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Ni kwamba mupate kujizuiza na buzinifu. Amen. Amina. Qu'il est Mungu ekunetutakia ni utakaso yetu. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Parce que cette promesse du baptême du Saint-Esprit, inapaswa kuingia mumoyo yenye kutakatiwa. Ça doit entrer dans le cœur qui est sanctifié. Na Mungu anatuonyesha kusema kama il faut mujizuize kuzinifu. Et Dieu nous dit qu'il faut qu'on s'abstienne de l'impudicité. Ni uzinifu ambayo ndio iliingisha dunia mukao leo hii. C'est l'impudicité qui a fait entrer le monde dans le chaos jusqu'aujourd'hui. Kama kuko COVID-19 ni uzinifu. S'il y a le COVID-19, c'est à cause de l'impudicité. Kama kuko accident ni uzinifu. S'il y a des accidents, c'est à cause de l'impudicité. Na inapasha tukeba ange na mamu inangaria usharati na uzinifu. Il faut faire attention à ce qui concerne les adultères et l'impudicité. Hii ni dossier ya zambi ya usharati, ni dossier ya Mungu peke yake. Le dossier de l'adultère est réservé à Dieu seul. Ni kusema Mungu ndio atasambisha ke dossier. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui jugera ces dossiers. Ima zambi nyingine ni batakatifu ndio batahukumu. Le reste des péchés, ce sont les saints qui vont. Kwani ni zambi ya kumwanzo. Parce que c'est le péché originel. Amen. Amina. Mungu ibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Ndugu na dada. Mon frère et ma sœur. Dunia inashalabika. Le monde est devenu très pervers. Bien qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde, mais le péché qui semble être à un niveau très élevé, c'est l'adultère ou l'impudicité. Amen. Amen. Lorsque j'ai prêché à Lubumbashi, samedi, ancien moi nanito kunyumba yake, ni docteur. Le samedi, un ancien m'a invité dans sa maison, c'est un médecin. Mine chakula chakula. Après avoir mangé, nous na dada wa mduni anakuwa na mtoto yake mbio mbio, jeune fille. J'ai vu une sœur là du monde venir avec sa fille. Ase docteur unyangere mbele mtoto huyo. Docteur, regarde un peu mon enfant. Souvent nafikaka kunyumba mu 13h. Chaque fois il arrive à 13h. Mais hapa nafika 15h 16h moins. Mais ce jour-là est arrivé à 15h à 16h moins. Oh, mwenye kuchoka. Très fatigué. Mais l'enfant a dit non, maman, puisque j'ai fait une forte diarrhée. Bana mu vérifier. On a essayé un peu de l'examiner. Anaje kwa lavika. Elle est déjà déflorée. Bana mwonesha maman que c'est un mtoto ana lavika paka leo. On a dit cet enfant est défloré seulement aujourd'hui. On a posé la question à la fille. Ton papa t'a toujours dit dès qu'on te déflore. C'est un garçon qui m'a appelé au téléphone. Il est allé avec moi. Son ami, c'est trop long. Dada. Kama Mungu anakupa mtoto mchunge. Si Dieu te donne une fille. Tunakuwa mwaji ya mbaya. Si tuna ma telephone. Si tu avec le téléphone. Téléphone aina na mbaya. Le téléphone n'est pas mauvais. Mbaya buko na bantu. Le mal se trouve dans les gens. Amen. Amen. Mtoto mwanamke. Une jeune fille. Mungu alimpatia ma vertu tatu. Dieu lui a donné trois vertus. Premièrement, ni virginité. Kwanza ni ubikira. Féminité. Et maternité. Et les vertus de trois. Ces trois choses. Binapasha kumusindikiza kubukweli. Ça doit l'accompagner jusqu'au mariage. Mais on a donné à Léo. Mais voyez le monde. Pas kupata mwanamke ko vierge. Pour trouver une jeune fille. Au moins, Mungu alifanya neema. À moins que Dieu vous accorde grâce. Tu kumukizaji ambayo shetani unabeba banamke na banome benyewe. Nous sommes dans un âge où le diable. Dans le téléphone, il ne dort pas. Il pas comme un message pour ce qu'on a besoin de s'accoucher. Il ne faut que. Oh mon bébé, oh il naïf. À tout moment, oh mon bébé. Le prophète a lancé ma cama. Le prophète dit Job. Yobu. Ariuaka puse ma cama, batote yake batakotola. Il savait que ses enfants broncheraient. C'est pourquoi il batole à sadaka. C'est pourquoi il offrait de l'offrande pour. Anasema ma chie leo. Nous aussi. Sadaka tutatolea batote yetu ni maombi. Les sacrifices que nous devons offrir pour nos oui. Enfants, la prière. Kumbuka batoto yako ikiwa banaume wala banaume mu maombi. Souviens-toi de tes enfants dans vos prières. Juni kizaji ambaye kiko na beba batoto. Puisque nous sommes dans un âge qui emporte les enfants. Même les péchés d'adulte. Pour que quelqu'un arrive à connaître cela, il y a un long processus à suivre. Surtout celui qui a déjà entendu cette parole de Dieu. Il faut d'abord causer. Il faut me patane. Il faut que vous puissiez vous rencontrer. Il faut t'embêter. Il faut que tu marches d'abord. Il est saouti à mon achikia qui croit. C'est la parole de Dieu que tu as toujours entendu. Chez toi, ça n'a pas d'effet. Amen. Amina. Mungu wetu saidi. Que Dieu nous vienne en aide. Tutaendelea na kusoma. Nous allons continuer avec la lecture. Verset 6. Mstari ya sita. Non, verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ili kila mmoja wenu apate kujua kushika mwili yake katika utakatifu na katika unyofu. Sans vous livrer à une convoitise pensionnée. Bila kujitoa kutama ya mno. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça va vile, va pagano, va se kumujua mungu, ve kona kwanya. Mais wena mitu sa kumujua mungu. Mais toi et moi, nous avons déjà connu Dieu. Kama esprit kuna kukuyua, utayua. Dès qu'un mauvais esprit te visite, tu le sauras. Utakatala. Tu vas résister et refuser. Satan n'est pas dictateur. Shetani yana wakukazisha na vitu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a une fouata? Je ne sais pas si vous me suivez. Satan seulement il propose. Alakini shetani yako na kulomba. Il te propose. Anakulomba kama unawezi. Kama une fois tu acceptes, il va alors te les donner. Est-ce que tu vas moi? Sommes-nous ensemble? Ata kusema ya kama mwanamke barimpa mimba. Alipenda? Même le fait d'enceinte une jeune fille, c'est-à-dire elle a accepté. Mimba batubiana keyo. On ne peut pas te jeter la grossesse. Ah oui, mwanamke mina upenda. Unamutubia mimba. Cette fille, je l'aime. Tu lui jettes la grossesse. Est-ce que tu pas moi? C'est impossible. Lorsque tu acceptes. Il faut yoati moi mwanamke eko na mbeko. Il faut savoir que cet homme ici a une mashamba. Toi tu es un champ. Kama unamuitika atapanda ndani yako. Dès que tu l'acceptes, il va semer en toi. Atani chinois atapanda ndani yako. Même si c'est un chinois, il va semer en toi. Atani muholoholo atapanda ndani yako. Si il est muholoholo, il va semer en toi. Mais Satan n'a jamais forcé quelqu'un. Alakini shetani ashiakazisha kamutu. Amen. Amina. Nous allons évoluer. 6. Sita. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Usikuwe mtu hata mmoja wa kuibia wa kuwa na tamaa ya fedha mu biashara kwa ndugu yake. Parce que le Seigneur qui vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Kwani Bwana yuko nalipisa kisasi muibi vitu vyote paka vile tulikuwa tunaisha kuisema na kuyakisha. Kadi nitapa apele alimpirite. Mais à la sanctification, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Amen. Amina. Hauna na kazi. Tu n'as pas de l'emploi. Frère n'a pas ta kazi, na kukonfie le kazi. Le frère a de l'emploi et tu commences à frauder, à tricher, à voler. Ule mwenye kukonfie kazi. Aya yengo au na yenga. Celui qui t'a confié une activité, il n'a pas encore construit, mais toi tu confies. Celui qui t'a confié le travail, il n'a pas encore payé le véhicule. Toi tu achètes des premières. Avec ça, tu attends à aller au ciel. Tous ceux qui ont construit ne volaient pas. Tous qui ont payé des véhicules ne volaient pas. Il faut qu'on ait des sincères devant les hommes et devant Dieu. Wawaki na moyo wawaki mbele ya Mungu na mbele ya bantu. Si tu rejettes ces préceptes, ce n'est pas l'homme que tu rejettes. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Le Saint-Esprit ne fait pas habiter dans un endroit où il y a des souillures. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi puisque tu fréquentes l'église tabernacle. Avant de venir en toi, ça va d'abord contrôler ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Regardez à l'invisible. Kuangalia, il y a 1959. Il y a 1959. Est-ce que tu peux m'organiser ça? Sommes-nous ensemble? Page 3. Kartasi ya tatu. Paragraphe 6, 7. Nukta ya sita na ya saba. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de croyants ignorent ce qu'ils sont. Il y a quelques temps, les critiqueurs avaient l'habitude de dire que Dieu avait certainement commis une erreur. Lorsqu'il a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Mais plus tard, ils ont découvert donc que Dieu avait raison. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa ainsi. En effet, il a créé ce petit compartiment dans l'homme comme son propre trône, sa tour de contrôle. Dieu veut conduire l'homme. Mais l'homme veut se conduire lui-même. Par conséquent, il y a constamment une guerre. L'homme veut suivre ce qu'il voit par ses yeux. Et c'est là qu'il est séduit. C'est là que Satan séduisit Ève. Parce qu'elle voyait, le fruit était agréable à la vie. Mais c'était l'amour, la mort pour l'âme. Dieu ne nous a pas créé les yeux pour que ça nous conduise dans les mal. Dieu nous a donné les yeux pour que ça nous aide à bien marcher dans ce monde. Et toi, les yeux te conduisent où? Si tu vois que tes yeux te conduisent dans les mal, dis-le à Dieu. Il va t'aider. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Même non, on a date, il va réfléchir, mais il y a une date. Mais nous sommes sur page 7, page 17. Nous allons lire sur la page 17. Bon, paragraphe 88, nous avons gagné le temps. Nous sommes sur la page 18. Alors, par le canal de son esprit, Elle peut faire descendre. Parle d'une femme. Elle peut faire descendre dans son âme toutes ces choses. Anawezi kushusha munafsi yake hivi vitu vyote. Qui ne sont pas de Dieu. Bia si pokuwa bia Mungu. Et qui sont contraires à la parole de Dieu. Na bienye kwa kinyume na neno la Mungu. Mais si elle a les cheveux coupés, lakini kama anakata nyele, si elle se maquille, kama kuna jipenta, et porte des shorts et des pantalons, na kuvana matuputu na mapantalon, qui la font ressembler à l'homme. Ile kuna mufananisha na mwanaume. Cette espèce de culotte, ile ma aina ya matuputu, ou le nom qu'elle donne à ça, wala ile majina anawezi kuipanga. Si elle tient ce genre de propos, kama akisema misemo ya hivi, et qu'elle fait ces choses, na kufanya hivi vitu, et qu'elle vit, na kisha akiishi, et pour le monde, akiishi juu ya dunia, elle sera bloquée, atashindwa kwa kwenda, elle ne pourra pas passer à travers cela, hawezi kutambuka paka ningine, non monsieur, hapana bwana, cela lui bloquera, itamusimamisha, le passage de le départ. Le bloquer le passage dès le départ. Maintenant, remarquez. Un homme qui regarde ses jolies lèvres rouges. Et son visage fardé. Les shorts, les pique-niques. Et tout ce qu'elle a. Un vrai homme qui réfléchit ne la regardera pas. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge de la femme. Tout comme kizazi ya mwanamke. Laodicée. Laodikia. Kizazi ya mwanamke. C'est un âge de la femme. Kizazi ambaye mwanamke anatawala. C'est dans un âge où la femme domine. Kizazi ambaye mwanamke anapenda kuonekana. C'est dans un âge où la femme kutokelea. Cherche à paraître. Mais Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Kushi benye kujua hii neno. À nous qui connaissons cette parole. Mwanamke yoyote. Toute femme. Kama une fois nanze kujitengeneza bali wa mdunia na kufuala kanya eko sur certain que hapa mita toka mi naenda kuwa banaume elle est certaine que lorsque je vais sortir je vais tuer beaucoup d'hommes. Un jour dans notre église de Shinangwa, j'étais assis chez un frère. Quelques filles de l'église catholique étaient très mal habillées là. Elles passaient. Elles m'ont trouvé là assis. Elles se sont regardées comment elles étaient habillées. Elles ont dit, ce papa ici n'aime pas la manière dont nous sommes habillés. Je leur ai dit, oui, c'est vrai. Elles savent que maintenant nous allons tuer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas la contempler. Mais un homme qui est membre de l'église, lui, il va la regarder et admirer. Il ne faut pas seulement rester membre de l'église. Mais quoi, membre du corps de Jésus-Christ? Soyez plutôt membre dans le corps de Jésus-Christ. Si tu es seulement membre de l'église, tu vas commencer à admirer des femmes. Mais peu importe l'aspect qu'elle offre à l'œil. Un homme qui réfléchit. Détournera la tête. Pourquoi? Parce qu'il a passé à travers les filtres de Dieu. Il sait que de la regarder, c'est commettre adultère dans son cœur. Il ne la trouve pas jolie. Elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie. C'est à cause des maquillages. Et les autres appliquent même des kaolins. Heureusement, nos sœurs, vraiment, je vous félicite. Vraiment, félicitations. Que Dieu vous bénisse, frère. Vraiment, le fait est aliméré. Même du monde, message. Et celle du message. Pourquoi confusion? On a quoi mon fruco? Oui. Dio. Que Dieu bénisse aussi votre pasteur. Il faut l'écouter. Ah, passe à la nouvelle lumière. Présentement, les gens de Nouvelle-Lumière disent que les sœurs du tabernacle n'avaient pas encore compris. Et pourtant, il n'y a que vous qui avez bien compris. Que Dieu vous bénisse richement. Malgré qu'il fait chaud, ils ont mis tout un tas là des histoires. Dès que ça chatouille un peu là, il aura du mal à se gratter puisque là, tout un tas là de mèches. J'ai dit que ce sont des femmes sales. Oui. Dio. Elle porte ses mèches là aussi. Sans laver. Et même leur mari les supporte aussi, ils aiment cela. Il est en train d'assurer sur le syndic là où c'est. Je ne sais pas. Tu as une femme qui se lave pas sur la tête, elle est sale. Non, nos sœurs sont très propres. Même si vous ne dites pas amen à cela. Il faut que vous qu'il est où. Il faut vous contenter de ce que vous êtes. Anna Mouzouri Apana ni Mubaya. Elle n'est pas belle, elle est laide. Et quelqu'un dira, qu'elle est jolie. Mais pas à ses yeux. Pas du tout. Au Dieu d'un homme qui réfléchit. Elle est une misérable Jézabel. Waole. Amen. Amen. Une loque dégoûtante. Mubaya wasipo kupendeza. À voir. Mubaya kuangalia. Un fils de Dieu. Mutoto wa Mungu mwanaume. La regarde en ayant honte. Atamwangalia na kushikia haya. Même d'appartenir à la même famille qu'elle. Atashikia haya ata kumuita sema ni wa mujama yake. C'est vrai. Ni kweli. Comment peut-elle agir comme ça et être ma sœur? Namna kani anawezi kutenda mui namna tena akwe dada yangu? Niole. C'est vraiment malheureux. Et où t'es venu pour m'organiser? Vous allez le trouver dans l'église? Vous allez le trouver en train d'attendre. Enlèvement. C'est pour les saints. Et tu cattes mon frère. Enlèvement, l'enlèvement, ce n'est pas un jeu. C'est pour les enfants de Dieu. Dieu n'a pas de petits enfants. Il a seulement des enfants. C'est pourquoi lorsqu'il va gronder, il gronde. S'il veut flageller, il va flageller. Il va châtier. Il nous châtie, c'est pour notre bien. Il ne faut pas vous fâcher lorsque Dieu prend l'évangile et commence à nous frapper. Si tu es de Dieu, tu diras, Père, frappe-moi seulement. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, Munaona, elle a passé à travers un filtre, yeye alipita kupitia kaningio, et lui à travers un autre. Yeye na alipita mwingine. Il ne la trouva pas jolie, hasta muna kwamba ni pas mwingine. Du tout, apana. Au yeux d'un véritable homme de Dieu, kumacho ya mtu wa Mungu, la beauté ce n'est pas ça. Buzuri haina bile. Kama unamunawisha mayi unamusabu. Lorsque vous les lavez, vous allez l'oublier. Il est esprit qui vient dans le message. Cet esprit se filtre même dans les messages. Avec décret. Souci à quoi m'oupe. Son souci est qu'elle soit claire. Attacate. Qu'elle éclaircisse la peau. Et où n'a pas de s'accata. Tu veux éclaircir la peau. Un jour, tu vas te brûler la peau. Parce que tu éclaircis la peau pour être contemplé. Lorsque tu seras clair. Lorsque tu vas te brûler la figure. Avec des cancers, tu ne voudras plus être contemplé. Tu vas commencer à gronder. Un jour, mon épouse était à Lumbashi à Matongé. Il y avait une grasse femme là. Celle qui avait utilisé des produits cosmétiques il y a longtemps. Son créancier est arrivé. Ils se sont tirés tellement. Elle a insulté, voyez-moi comment est son visage. Elle est partie. Cette maman-là avait cette petite-fille. Maintenant, vous avez entendu comment mal sur cette... Vous, là, il ne faut jamais utiliser ces produits cosmétiques. Chetani, il est en train d'aveugler les gens. Tu vois certaines personnes... Toi aussi, tu vas te brûler la figure. Tu vas ponctuer par amen même à la maison. Dio. Que Dieu vous bénisse. Cette maison, c'est une maison d'accumulation. Lorsque l'Esprit te conduit à éclaircir la peau, mais toi qui sais que tu as épousé une femme de ténor, comment elle est en train d'éclaircir? Lorsque elle va brûler la peau, tu vas encore la refuser. Que Dieu vous bénisse. Le fils d'un homme qui est paragraphe 93. Maintenant remarqué. Si sa pensée a été filtrée à travers la parole de Dieu. Le filtre de Dieu. Il ne la regardera pas. Il ne la trouvera pas jolie. Il pensera que c'est une Jézabel. Il pensera que derrière ses lèvres rouges se trouvent des crochets à venin qui s'enfonceraient en lui. Et la Bible dit, ses portes. Milango yake. Oui. Amen. Ce sont les portes de l'enfer. Ni milango ya deza. Un homme y entre comme le bœuf qui va à l'abattoir. Mutwe konengia mosa wa ngombe ule konenda kule benenda muchinja. Ça c'est vrai. Ni bia kweli. Kama mwanaume acha kulewa busharati. Si l'homme est ivre de la vie. Kumbele ya mwanamke. Devant une femme. Ule ashiyuwe. Qu'il ne connaît pas. Frère, tu te retrouves dans la poitrine d'une femme que tu ne connais pas. Tu es un bébé qu'on conduit à la poitrine. Sais-tu comment elle est sans de cette femme? D'ailleurs, les nôtres qui écoutent la parole de Dieu. Malgré qu'on les épouse, nous les envoyons d'abord à l'hôpital pour les tester. Mais toi, Dieu ni munene. Parce qu'elle est grave. Tu es comme un pantalon. Elle est habillée en pantalon. Tu m'as envoyé la parce que ton corps. On a eu un dernier Adam qui est quoi? Est-ce que tu connais comment est son sang? Ousha konaka comme mouton à la sida. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt de sida? Dada. Ma soeur, frère, mon frère, si Dieu te donne une bonne mine, une fois que tu connais tu vas fondre comme tu n'auras plus rien de forme. Les pagnes te saisissent sur le corps, c'est plus comme il faut déjà tarder. Une fois que tu vas sentir mon vêtement, la ceinture te tient à la hanche. C'est parce que tu as encore des muscles. Si tu ne crains même pas sida. Craignez néanmoins même le sida. Amen. Amen. Que direz-vous? Quand une femme de sang l'arrive, habillé comme bala. Ça. Et que vous les hommes, vous tournez la tête et vous restez là. Comme ça. Et vous n'utilisez pas le filtre d'un homme qui réfléchit. Regardez pour que tu vois quoi que tu n'as jamais vu. Satan ne force pas quelqu'un. Mais toi tu es bien enseigné. Commence à t'exhiber des choses pareilles, il ne faut pas les regarder. En effet, quand vous faites ça, vous commettez adultère dans votre cœur. Car le filtre dit, Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Homme qui réfléchit détourne la tête. Éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. C'est vrai. Elle se torture comme un serpent. Elle agit comme un serpent. Elle mord comme un serpent. Évite-la. Mushiki. Écoutez bien. Zambi yote kamune tamane unependa. Tout péché, lorsque tu le convoites et que tu l'aimes, tu vas concevoir de ces péchés. Et toute grossesse, il faut enfanter. Tu conçois les péchés, un jour tu vas enfanter. Amen. Amen. C'est pourquoi moi éviter Boucharat. Éviter l'impudicité même dans la pensée. Dans ma téléphone. Dans nos téléphones. Ma télévision. À la télé. C'est à combat mon. Tout à fait à quoi mon appel. Au lieu de prier Dieu. Prophète Nassema. Le prophète dit. Si qu'ils aspirent à la paix d'Atta Mahombi. Dans cette génération, les gens n'aiment pas. Tu as ma télévision. À cause de la télévision. Le canal plus mon, aux mon aux Mazambi. Le canal plus que vous achetez, ce sont les. Il y a quelque chose que vous allez voir que la chose vous n'avez pas la télé beaucoup parce que vous n'avez pas notre super maman. Ta femme est fatiguée, elle est allée s'endormir. Tu es malheureux. Tu restes à la télé en train de changer de chaîne. Tu es malheureux. Amen. Amen. Est-ce que tout va mieux? Sommes-nous ensemble? Toi de me regarder à l'invisible. Ainsi en est-il ce soir. Ainsi en est-il ce soir. Je vis le bicoté dans la Ibangaribi. Dieu veut conduire l'homme. Mungu anapenda aongoze mtu. C'est pourquoi il s'est fait une tour de contrôle au centre du cœur de l'homme. Je commande à l'indifférencier à phase à kongoza ndani ya mtu. Afin que l'homme soit conduit par l'Esprit de Dieu. Il est mutu apate kongozi wa na. C'est vrai. Oui, dunia kama on conduit l'Esprit à Mungu kufuti. Dans ce monde, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire toi, n'importe quel vent qui peut venir, va t'accueillir. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est le fait de suivre sa propre conduite. Ni mambo ya kufuata uongozi yako. Qui l'a séparé de sa communion. Dieu il est dit mutenga na muungano na Mungu. C'est toi-même qui te connais. Si tu refuses d'être communié par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas communier avec Dieu. Dieu est saint. Il dit, soyez saint. Parce que moi qui vous ai appelé, je suis aussi saint. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la parole de Dieu c'est de l'eau, c'est une eau pure, une eau sale, ne peut pas purifier ou sanctifier un homme souillé. Ici à Kambo, si il y a un endroit il y a une eau pure, c'est ici. Ici, tu sortiras par là, sanctifié, parce que Jésus-Christ a dit, à ce qui concerne les péchés, ne faites pas de calculs. Solution il quoi? Il y a une solution. Solution la solution c'est le sang de Jésus-Christ. La solution c'est d'écouter la parole de Dieu. Ça va vous sanctifier. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il va les faire blanc comme de la neige. Parce que les péchés c'est un esprit. Tu ne peux pas les terminer toi-même. Amen. Amen. Telle est encore sa position ce soir. Celle de tous ceux qui sont conduits par de telles histoires. Mais l'Écriture dit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ah, ça c'est vrai. Savez-vous, la parole de Dieu, ce sont des expériences de chacun pour soi. Un enfant de Dieu, que ce soit un homme, même avant de dormir, il va faire d'abord l'éventaire de sa vie. Il va dire, qu'est-ce que j'ai regardé? Sur quoi j'ai médité, mon Seigneur? Nous sommes dans ce monde. Il est difficile d'éviter de regarder les mains. Tu peux les voir. bina kuchafusha mais wewe ulipende mangaribi twanga magoti umwambie Mungu niliona Jésus nirifikiri j'ai médité nirisema j'ai parlé cho kujitakasa mbele ya Mungu c'est ça se sanctifier devant Dieu. Oui, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dio, ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Et vous pouvez remarquer qu'un homme ou une femme qui cherche à suivre les choses du monde n'a jamais agréable à Dieu. Yote kunafanya kanya, unapenda onekane utokeleye, unapenda ya mudunia, kumbele ya Mungu haya mupendezaka. Devant Dieu, tu n'as jamais été agréable. Ata onekana mukiza, ata unaimba, ata unaubiri. Malgré que tu prêches ou tu peux chanter. Amen. Amen. Mais un homme, ou une femme, mwanaume ou la mwanamke, qui ne regarde pas aux choses du monde, unashangalia vitu vya dunia, mais qui marche selon la conduite de l'esprit, lakini unatembea kufuatana na ongozi, et généralement dans la volonté de Dieu. Kwa kawaida ule kama mapenzi. Amen. Amen. C'est cela la grande bataille ce soir. Il est déjà vite mnene mangaribi ya. Satan. Shetani. A pris l'œil de l'homme. Alichukua licho ya mtu. La tête de l'homme. Na kichwa ya mtu. Pour le diriger par la tête. Dieu kuiongoza na kichwa. Mais tandis que Dieu a pris le cœur de l'homme. Lakini Mungu yeye alichukua moyo wa mtu. El Shaddai. El Shaddai. Je suis mon amoué, page 7. Page 7. Paragraphe 18 et 19. Paragraphe 18 19. Niko maintenant mon page 4 paragraphe 8 mon regardez à l'invisible. Page 4, paragraphe 8, regardez. L'homme cherche toujours à accomplir quelque chose par sa tête. Et il est censé le faire, mais par le cœur. C'est cela la tour de contrôle. À partir d'où Dieu le contrôle. Dirige ses pensées. Sa marche, ses émotions. Souvent, lorsque les ministres montent à la chair, ils se mettent maintenant à penser. Si je parle de telles choses, voici un tel membre de mon église, donne beaucoup d'argent dans cette église. Il va quitter l'église. Alors, vous mettez à nouveau à regarder à la chair. Dieu ne peut donc conduire ses ministres. Vous devez dire ce que l'Esprit vous dit de dire. Nous sommes donc conduits par l'Esprit de Dieu. Ça c'est vrai. Qui va tomber chez Amour? Nous, les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas été accusé, mais pas qu'il est roi Amour, il est tombé à couser. Nous devons dire seulement ce que il a quandaria, Hari Amoutou. Ça regardait l'état des gens. Même s'il m'a déjà payé un vêtu, s'il est en erreur, si je l'aime, c'est le retourner dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dénominationnels. Parce qu'il me donne souvent. Non. L'amour se retourne. Comme mon nom, Acte chapitre 8. Verset 14. Sura 23. Jusqu'au 23. Ni mambo ya Pierre na Jean. Ça concerne Pierre et Jean. Lorsqu'ils sont allés à Samarie. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Les croyants de Samarie étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient partis là-bas. Ils leur avaient imposé les mains. Et ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Un certain Simon, des magiciens. Il a dit que Saint-Esprit par imposition des mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit quoi que mikono. Pierre et Jean. Ils ont suivi Pierre et Jean. Prenez l'argent. Pour que vous me donniez aussi cette puissance. Afin que quiconque j'ai imposerai les mains qui puissent recevoir les Pierre et Jean. Si vous lisez, vous recevrez la réponse de Pierre. Sois maudit et toi et ton la parole de Dieu, on ne peut pas la vendre. Voilà un homme de Dieu. Il ne regarde pas quoi qu'on est capable de faire. Il regarde seulement qu'on est dans l'amour. Amen. Amen. Or Dieu Japo Mungu nous a comparé aux brebis. Sans conducteur, une brebis sans conducteur est complètement perdue. Kondolo bila kiongozi alishapotea. Amen. Amina. Unajua kiongozi wetu mkubwa c'est le Saint-Esprit. Savez-vous notre grand conducteur, le grand pasteur. Pasteur wetu munene, nous sommes comme des pasteurs. Si si tuko sawa ba pastori. Mais il y a un pasteur. Alakini kuku ule ko pastori. C'est Jésus lui-même. Ni Yesu ye mwenyewe. Ata tunemipenda je. Peu importe qu'on vous aime. Niko nguvu nianze kuongoza kila dada kule konenda niende naye. Il est pratiquement impossible. Mais où le grand pasteur? Chacun de vous anapanda motoka, anapanda na wewe. Mais ce grand pasteur anapanda pikipiki, anapanda naye. Celui-ci monte le véhicule, l'autre monte anenda naye. L'autre va à pied, il les conduit tous. Pour un berger au Yakoué. Nous avons un véritable berger. C'est pourquoi il est notre chef. Je commande yeye ndio chef yetu. Amen. Amina. Vous n'avez pas mané à chef. Savez-vous le sens du chef? Chef. Le chef, c'est... Katamukaja bakatek mutu yoyote. Même au service, on ne peut pas... Chef. Donner ce titre à n'importe c'est... qui. C'est... Qui veut dire compétent. Manake mwenye kuyuwa. H. H. Qui est honnête. Mwenye kwa wawaki. Et. Qui a de l'expérience. Mwenye kuyuwa maonjo. Qui est bien formé. Mwenye kujifunzo mzuri. Qui est bien formé. Il a de l'expérience. Il est capable de nous sauver, de nous guérir. Il est capable de tout et de rien. Yesu kuna uwezo yote ya vitu vyote. Amen. Amen. Mungu mibariki. Que Dieu vous bénisse. Attends, on a mutoto atakupa. Même si tu n'as pas d'enfant, il va te les donner. Attends, unagonja atakutunza. Même si tu tombes malade, il va te guérir. Attends, on a kaja atakupa. Même si tu n'as pas de l'emploi, il va te les donner. Eko wa vyote. Lui, il a tout, il est tout. Amen. Amen. Est-ce que tu peux moi? Sommes-nous ensemble? Nikomu paragraphe 9 mon coude chini. Nous c'est à ti ça. C'est vrai. Nikweli. Pour les hommes aujourd'hui. Batuleo. Le diable vous conduira tout droit à l'abattoir. Shetan atakupeleka kule batendo. S'il le fait. Kama anawezi. Il va vous plonger dans la confusion. Et vous fera voir quelque chose de beau. Qui semble être très agréable à la vie. Alors que le Saint-Esprit condamne cela. Et dit de ne pas y croire. Ainsi nous devons toujours suivre la conduite du Saint-Esprit. Oh là là. Oui, âge de la Odyssée. Dans cet âge de la Odyssée. Il y a la Zima, vous pouvez conduire le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. C'est important d'être conduit par le Saint-Esprit, nous avons data. Si tu ne l'as pas, tu es malheureux. Et vous ne pouvez pas suivre la conduite de l'Esprit tant que l'Esprit n'est pas dans votre cœur. Ça c'est vrai. Kama ile ro aina ndani ya moyo wako. Pour vous conduire. Dieu kukuongoza. Omba Mungu akusaidie. Prie que Dieu puisse t'aider. Akutumie roho yake. Qui t'envoie son esprit. Yanze kukuongoza. Qui commence à te conduire. Niko mu page 5 kule yulu. Page 5 un peu au-dessus. Mais Dieu sait qu'il fait. Alakini, Mungu anajua ile kuna fanya. Aussi longtemps qu'il conduit. Wakati ile kuna ongoza, vous voyez. Unaona. Vous devez toujours marcher par l'esprit. Unapashi kila mara kutembea kwa roho. Et l'esprit s'accordera toujours avec la parole. Na roho itambatana kila mara na neno la Mungu. Maintenant. Sasa. Si l'esprit vous conduit contrairement à la parole. Kama roho inakuongoza kinyume na neno. Alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. Manake ile haina roho ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce que roho ya Mungu ikongoze kuangalia bana Mungu basiko mangu? Est-ce que l'esprit de Dieu peut te conduire à regarder les femmes qui n'ont pas d'habits? Il a une roho ya Mungu. Roho ikongoze kulanda frère wako. Que l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. À mentir, il a une roho ya Mungu. Amen. Amen. Roho yote kunaenda mukipindi pinda sauti ya Mungu. Aina roho ya Mungu. Tout esprit qui est contraire à la parole de Dieu, il n'est pas esprit de Dieu. Kama koko bantu banafundishwa sana ni chini. Si y a des gens qui sont beaucoup enseignés, c'est nous sommes à l'université de Dieu. Ça pas tout pas inicap. Ici nous sommes à l'UNICAV. Université de Kambo. Université à Mbambo. On nous enseigne de tout et de rien. Ils ont une connaissance qui dépasse même les pasteurs de l'Union. Si, pardon. Si tu tombais dans les péchés, c'est-à-dire c'est toi-même qui l'a fait. Jamais pour Mibali ou pour Abaya Ubilia comme foyer qui n'a qui baille jamais. Jamais sur la chair, on n'a jamais prêché en permettant aux gens de faire le mal. Tous ceux qui passent ici, ce sont des hommes de Dieu. Frère. D'où ? Je remercie grandement ces invités de Dieu. Je ne critique pas. Aujourd'hui, la civilisation est entrée, le modernisme est entré même dans l'église. Le modernisme est entré. Qu'est-ce que ça fait? Mais pour nous, ça fait quelque chose. Chez nous, tu veux te ressembler au monde. Le prophète dit, arrangez vos cheveux de toutes les manières que vous voulez, mais vous ne ressemblez pas au monde. Comment est-ce que vous allez pousser aux soeurs de mettre des ceintures? Tout un voyage là, tu viens ici pour prêcher sur les mèches. Ils sont devenus orgueilleux. Dire ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire à toi, de me dire ce qu'il faut dire. Dès que j'arrive sur un endroit, je ne sais pas savoir les problèmes qui se passent dans l'église. Pour que je ne puisse pas prêcher sous l'influence de ce que tu m'as dit. Ah, maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera comme travail? Chez moi, si quelqu'un venait prêcher concernant les mâches, dès qu'il descend, je vais monter. Faites attention avec les faits de déménager. Vous qui aimez aller habiter en ville. Le prophète dit, l'endroit là où tu es, que ça soit spirituel, tu vas entrer dans les feux. Là où tu entreras, on te dira, nous avons la bière des frères. Est-ce qu'ici chez vous, vous avez la bière des frères? Amen. Amen. Parfois, je n'abarque qu'à la page. Là où tu es béni, restez-y. Où t'as d'abord une gamme qui est tout. Tu vas entrer dans une gamme. Et tu ne sauras pas. Et d'ailleurs, l'enlèvement au caribou. Et d'ailleurs, l'enlèvement est tout. Comment ton esprit a quoi, mais vous ne sauriez pas. Et l'esprit là de déménager, d'où est-ce que ça vient? Nous ne sommes pas des vagabonds. Un chrétien n'a jamais été vagabond. Tu fais des affaires avec ta pierre. Il ne faut pas t'attarder pour déménager. Là, il y a beaucoup d'eau. Je te dis, Allemagne. Il y a des gens qui vont chaque week-end, ils vont en Allemagne juste pour aller. Peut-être toi, tu y vas seulement une fois. Si tu as besoin de déménager, consultez d'abord votre passé. Nous, nous sommes enseignés. Toute ma vie, j'ai besoin de faire quoi que ce soit, je consulte d'abord mon pasteur. Pasteur, j'ai besoin de payer un véhicule pour ceci ou cela. Si me dit frère, n'achète pas. Fais ce que ton pasteur te dit. Dieu ne les a pas placés seulement pour prêcher. Il les a placés pour vous conduire même dans la vie physique ainsi que dans la vie spirituelle. J'avais quelqu'un chez moi à Shinangwa. Il a décidé d'aller payer les véhicules. J'étais là calme, en train de les contempler. Il a même versé l'argent. Mais frère, on a fait une erreur. J'ai payé le véhicule qui était de tel frère. J'ai dit il est mort parce que ce véhicule l'a déjà bien. Là où le frère quoi n'entend du finca. Oh, ce frère avait une dette à la finca. Arrivé aussi chez Motoka Kaishendeni. Il voulait vendre son véhicule. Ah, j'ai coupé le Motoka frère. À ce pasteur, mais comme Michel vous dit, dans la Bibiangu. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai déjà pris la décision de mon épouse. J'ai dit, pourquoi tu me l'as Imaginez-vous, il a payé ses véhicules à Kapologa. Ceux qui connaissent ce côté de Mbashi. Il a payé les véhicules avant même que ça arrive. Il est tombé en panne. Je le regardais. Il n'a même pas reçu un franc. Fin de fin. Jusqu'aujourd'hui. Fin de fin. Il a vendu cet épave, je pense, à $800. Pendant qu'il a payé sa chair. Consultez les hommes de Dieu que Dieu vous a donné. Est-ce que j'ai mal dit? C'est la parole de Dieu. Ok, ni qu'on a je continue. Pas les chiens. Un peu en bas. S'il a un esprit religieux, ou un genre d'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, il dira, c'était pour les jours passés. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Comment pouvez-vous faire que cela marche correctement? En effet, il est dit qu'il est le même hier. Oh, je suis heureux d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu avait dit cela à l'avance. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous éternellement. Et quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous annoncera maintenant les choses à venir. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Attention. Que le monde ne peut recevoir. Il va nous donner avec Kupokeya. Dunia nini. Le monde c'est quoi? Il va nous donner. C'est le système qui se trouve dans le monde. Il m'a dit il va nous donner. C'est le péché qui est dans le monde. Quand il condamne, avouez que vous recevoir. Tout cela est en toi, tu ne peux pas les recevoir. Qui sont ceux-là qui ont compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas compris, je ne fais pas de théâtre ici. Que Dieu vous bénisse. C'est le Saint-Esprit qui parle. Que Dieu vous aide. Si dans ton cœur, tu ne peux jamais aucun cas recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Pour expérimenter la Pentecôte, tu dois renoncer au péché et tu prends une décision de ne plus retourner aux choses du monde. Parce que tous les péchés ont été à toi maintenant de renoncer. Ah. Accepte même toi mon frère. Quel est le péché qui n'est pas manifeste devant nous? Lorsqu'il vient, tu ne peux pas le savoir. Tu le sauras. Amen. Amen. Il faut renoncer à cela. Peu importe la manière dont Satan te le présente, résiste-lui. C'est le mensonge de Satan. Il ne veut pas se perdre seul. Il faut renoncer au péché. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec lui, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il s'échappe de sa croix. Et qu'il me suive. Nous vous avons montré la croix de moi. Acceptez la souffrance. Beba musalaba. Porte la croix. Na wili katale we mwenyewe. Na wapate kumfuata. Afin que tu puisses suivre. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Itasaidia nini kwa mtu yae kupata ulimwengu mzima kama akipoteza nafsi yake? Kedo nerea eno maneshante soname. Ni nini ile mtu anaweza kubadilisha kwa ajili ya nafsi yake? Manasi yetu kubei. Nozame kute telema share. Ushaanza kucheza na nafsi yako. Faut pas jouer avec ton âme. Nafsi moya kumbele ya Mungu egali 10,000 monde. Une seule âme a la valeur de 10,000 monde. Il faut kukatala zambi. Il faut renoncer au péché. Kukatala dunia. Renoncer au monde. Ephésiens. Wa Efeso. Chapitre 4. Sura ya 4. Est-ce qu'on est tout pas moi? Sommes-nous ensemble? Vous pouvez commencer par les 20e verset. Même temps que mon verset 25. Moi, c'est pourquoi je commande à renoncer aux mensonges. Mukata le bongo. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il a dit, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Frère Wako, moi, à ton frère, dis la vérité. Si voler, il faut plus voler. Tumika ku mikono yako. Travaille avec tes mains. Mais écriture inine, 2 Timothée chapitre 1. Timothée, et chapitre 2. Timothée, et Tite, chapitre 2, verset 1, 11 à 15. Tito. Et là, on prend une décision. Bala tugwa mipango. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 à 3. Petro wa kwanza ine moya kufika kutatu. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Amen. Amen. Afin de vivre, non selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du mangeur du bois, les idolâtries criminelles. C'est une décision. Qu'est-ce que tu as trouvé comme profit dans la... Qu'est-ce que tu as trouvé comme bénéfice dans l'adultère? Amen. Amen. Quoi qu'on prêche, moi je ne peux pas laisser de couper. Si on prenait toutes les personnes, on te l'enferme dans la maison, qu'est-ce que tu feras? Tu vas les fouiller. Avec la bière, il y a robinet. On t'amène à la brasserie. On a fourré avec le robinet. On ouvre le robinet. Que feras-tu avec la bière? On mit tumbako. Moi avec la cigarette. J'aime tellement la cigarette. Qu'on aille à la tabac. On fabrique une grosse cigarette comme... Je ne sais pas si tu vas les filmer. Mais nous les péchons. Amen. Les péchés nous fatiguent. Il message il y a avant tout va kuchoka. Le message c'est pour les gens qui sont fatigués. Kama uyachoka frère, hata uweze kutembea. Tu n'es pas encore fatigué, tu ne seras pas fatigué. Mangaribia leo, Mungu ni bariki. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au président du Kinshasa.